Troisième partie, chapitre 1er, Salam. Un matin, Karim entre chez le boulanger. Il le trouve occupé à fournir du pain à une jeune femme. Elle porte un pantalon de jean et une chemise blanche. Seuls les cheveux sont couverts d'un hijab. Karim reconnaît avec plaisir sa voisine de l'appartement du rez-de-chaussée. « Ah, Salam, Salam !» répond Zara, sans pouvoir empêcher ses joues de s'empourprer légèrement. Elle prend avec un calme apparent ses baguettes de pain, les met dans un couffin et part. Une fois le boulanger et Karim restés seuls, le premier lance en plaisantant « Jolie, n'est-ce pas ?»« Oui, » admet Karim. Il ne dit pas la pensée qui lui vient aussitôt après. « Et quels beaux yeux, grands, clairs, brillants comme des étoiles, et le corps de gazelle !» Des occasions fortuites se présentent, durant lesquelles Karim et Zara se rencontrent à l'entrée de l'immeuble, dans la rue, chez le boulanger, l'épicier, le marchand de fruits ou celui de légumes. Alors les deux voisins en profitent pour se saluer d'un regard discret, bref, mais d'une intensité significative. Et les deux cœurs battent brusquement plus vite, tandis que les visages s'efforcent de ne rien faire paraître. Mais la couleur écarlate des joues et l'imperceptible tremblement des sourcils révèlent les délicats sentiments éprouvés. Karim et Zara sont assez sensibles pour se rendre compte de leurs troubles réciproques. Dorénavant, pas un jour ne se passe sans que Zara ne pense à Karim, et Karim à Zara, chacun à sa manière. Ils souhaitent ardemment se rencontrer, tout en ayant peur pour des motifs divers. Elle est belle, mais qu'en est-il de sa sensibilité et de son intelligence ? S'interroge Karim. Il est charmant, gentil, il semble bien éduqué, mais... Zara n'ose pas compléter sa phrase. Les pensées de l'un et de l'autre aboutissent toujours à une question fondamentale, différente chez l'un et l'autre. Karim, ai-je peur de tomber amoureux ? Zara. Et si lui découvre mon passé et mon actuel réel métier ? Interrogation sans réponse, quotidiennement présente, parfois des moments inattendus. Semblable à une goutte de pluie tombant régulièrement sur un rocher, ses demandes creusent un trou. Elles fragilisent progressivement la résistance de la pierre. Seules les montagnes ne se rencontrent pas, se dit Karim. Chacun des deux soupirants se met instinctivement à s'analyser pour comprendre l'apparition de cette singulière nouveauté absolue, un sentiment d'attraction extrêmement fort, contre lequel la volonté est impuissante et la raison défaillante. Karim, depuis quelques années déjà, espérait rencontrer la jeune femme destinée à embellir son célibat. En constatant la situation autour de lui, son espérance de rencontrer un tel ange était plutôt faible, sinon inexistante. Néanmoins, l'optimisme fondamental de Karim laissait briller une petite, toute petite et lointaine étoile prometteuse. Zara semble à Karim l'incarnation de cette étoile, cette lumière, cette promesse, cet ange miraculeux. Karim en voit la preuve dans les très fortes émotions qui, au souvenir de Zara, l'agit tout entier et dans sa plus profonde intimité. Ce nom, Zara, résonne en lui comme le plus sublime des chants, en se réverbérant en écho. Karim en vient à plaisanter. Qu'importe toute théorie, si Zara m'aime. Tout au contraire, Zara, à cause des malheurs qu'il avait assaillis depuis la tentative de viol par son père, à peine adolescente, conçoit sa vie uniquement comme un calvaire, sans savoir comment s'en libérer. Les hommes, uniquement des monstres. Comment ne le serait-il pas, puisque son propre père le fut avec elle? Quant aux différents contacts charnels qu'il avait subis, tous furent d'horribles et dégoûtantes profanations de son corps et de son âme. Ces deux éléments de sa personnalité, Zara, pour survivre, les a transformés en un bloc de glace, totalement insensible. Et voilà qu'en présence de Karim, ce corps et cette âme de Zara, soudain, avaient la nette sensation d'un miraculeux soleil. Il réchauffait ce corps et cette âme de quelque chose aussi brûlant que doux, leur redonnait vie, et quelle vie! Palpitante, non pas celle d'un printemps, mais d'un éclatant et lumineux été. Zara, semblable à une toute jeune fille vierge, découvrait les merveilleux et enivrants émois de l'attraction sentimentale, et cela jusque dans ses entrailles les plus intimes, au point d'en ressentir un vertige. Brusquement, une effrayante angoisse saisit la réaliste Zara. Tout cela existe-t-il réellement, ou suis-je devenue folle ?